Épidule, le podcast qui porte une voix féministe à la République. C'est parti. Salut Alessandra. Salut Lynn. Et salut Camille et Charlotte. Alors pour ce 30e épisode, 30 déjà, de Crépidule, nous sommes à Lausanne. Et puis nous avons une rencontre avec Alessandra. Alors avec deux représentantes d'une association qui s'appelle les Chlamydia, une association pour la santé sexuelle des femmes qui aiment les femmes. Et alors Camille, quel titre tu as ? Toi tu as un titre de responsable ? Oui, c'est ça, je suis responsable de l'association, exactement. Donc je suis aussi le moteur et la personne qui propose les nouveaux supports de prévention de l'association. Et puis Charlotte, toi, alors on a dit que tu étais donc graphic designer pour les supports visuels ou de communication. Oui, c'est exact. Je m'occupe de tout ce qui est l'image des Chlamydia, le corporate identité, chaque fois qu'un nouveau guide est créé ou comme le jeu de société qui vient de sortir. Oui, c'est ça. On en reparlera parce que vraiment la dimension visuelle est quelque chose de très fort dans votre intervention. Hein. Alors, est-ce que déjà, bon, on va commencer par Camille, tu pourrais un peu nous raconter ton parcours jusqu'au Chlamydia avant qu'on décrive plus ce que les Chlamydia font ? Alors, le parcours, comment dire ? J'ai commencé par faire la prévention HSH, donc pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. J'ai commencé à faire du militantisme dans une association gay, je faisais de l'accueil-écoute et puis je faisais de la prévention santé pour les hommes gays et les autres hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Et puis j'ai trouvé très intéressant de faire de la prévention dans ce domaine, mais je me suis aperçue en même temps que pour les femmes, il n'y avait vraiment pas grand-chose, voire rien. Et je me suis dit, bon, ben, dès que je me pose quelque part, dès que je finis mes études et que j'arrête de déménager tout le temps, je crée une association pour les femmes qui ont du sexe avec les femmes. Et c'est comme ça que j'ai cofondé les Chlamydia en 2008. Alors, je dois poser la question, d'où vient ce nom, les Chlamydia ? Parce que moi, j'avoue que... Peut-être juste pour les auditeurs et auditrices qui ne le savent pas, on va vous apprendre quelque chose, c'est que les chlamydia sont des infections sexuellement transmissibles d'origine bactérienne, vaginale, anale ou orale, et une infection qui est très contagieuse, qui touche à la fois les hommes, les femmes, mais qui sont plus signalées chez les femmes. Et Alessandra, pour préparer en fait cette rencontre, cette interview, m'a donné des prospectus de votre association. Et j'avoue qu'avec ce nom-là, tout en haut des prospectus, les Chlamydia, j'ai hésité un peu à les consulter dans le bus. Ouais, je comprends. Il ne faut pas oublier que les Chlamydia, c'est aussi un groupe de métal suédois. Voilà, ce qu'on sait. Lynn, je pense que ça peut t'intéresser. mais voilà, on n'a pas grand chose à faire avec ce groupe de métal que j'aimerais bien rencontrer, juste par pure curiosité. Alors pourquoi les Chlamydia ? On s'est dit au début qu'on pourrait être les furieuses mycoses, on trouvait que c'était sympa. Et puis après, on s'est dit on pourrait être aussi la syphilis en furie. Enfin, on avait un peu vraiment l'envie de thématiser une IST, une infection sexuellement transmissible. Et on est tombé sur les Chlamydia parce que c'était une infection qui était peu connue, qui est dans les trois quarts du temps asymptomatique et qui touche surtout des femmes jeunes. Donc pour ces raisons-là, on s'est dit que ce sera plutôt les Chlamydia, et puis on n'a pas mis d'adjectif parce qu'on s'est dit que ce serait déjà difficile à porter. Et je dois dire qu'au bout de 10 ans, franchement, je dois des fois encore faire une sorte de coming out. Oui, je suis responsable des Chlamydia. Puis des gens me regardent avec une mine atterrée. Je peux comprendre, c'est même pas facile à porter des fois. Mais en même temps, ça permet de créer le dialogue puisqu'on surprend avec un nom qui est assez inattendu. Alors écoute, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc toi, tu as raconté ton histoire personnelle qui a tout d'un coup... C'est parti d'une invisibilité, je veux dire. Tu es dans une pratique de prévention en santé sexuelle qui t'a amené à ce constat d'invisibilité des questions de sexualité. Ah, regarde, on va dire tout de suite un truc. Parce que dans toute votre communication, vous êtes attentive à utiliser l'expression « les femmes qui aiment les femmes » ou « les femmes qui ont du sexe avec les femmes ». Ça donne même un acronyme FSF. Est-ce que tu pourrais, je dis tu, mais que chacune reprenne le micro, est-ce que tu pourrais nous parler de cette attention au niveau du vocabulaire ? Oui, en fait, au début, on s'est baptisé les Chlamydia Association pour la santé sexuelle lesbienne. Et puis ensuite, on est devenu FSF, ou FAF, mais plutôt FSF, c'est l'acronyme le plus connu. C'est tout simplement parce que les lesbiennes sont... Comment dire ? Je vais dire ça autrement. Les femmes qui ont du sexe avec les femmes se disent pas toutes lesbiennes. Certaines ont du mal avec l'étiquette. Certaines lesbiennes ont des rapports sexuels avec des hommes. Et donc, pour avoir un discours de prévention qui s'adresse aux personnes qui sont réellement concernées, c'était mieux de parler de femmes qui ont du sexe avec les femmes. Comme ça, on pouvait éviter de créer une barrière avec le mot lesbienne. Certaines femmes se disent lesbiennes pour des raisons politiques, pour des raisons qui sont aussi identitaires. Mais il était important pour nous que toutes les personnes qui sont concernées par notre discours de prévention puissent y avoir accès. Au-delà de l'étiquette politique ou pas, qu'elles souhaitent avoir ou qu'elles souhaitent voir être apposées sur elles. Et pour surtout ne pas exclure des personnes qui ont des pratiques sexuelles pour lesquelles on aimerait quand même faire passer un discours de prévention parce qu'on aurait mis une étiquette qui les restreint dans leur façon de se concevoir, enfin de se concevoir, de concevoir leur personne dans l'espace. Ouais, mais ça montre aussi l'enjeu des catégories et aussi cette importance de toujours les remettre en question aussi. Voilà, bon, bah, vous êtes une association de prévention, donc vous réfléchissez évidemment à quel public vous visez, mais c'est... Ouais, enfin, avec Alessandra aussi, en préparation de la rencontre, on a discuté de ça, de justement bah, comment, en fait, suivant les catégories et le vocabulaire utilisé, on s'adresse ou pas à une certaine population. Oui, parce qu'il y a aussi des femmes qui ont des relations sexuelles avec des femmes, mais dont le mot lesbienne rebute énormément ou qui ne s'identifient pas du tout à ce mot-là. Et du coup, c'est plus difficile de leur faire passer un message si on emploie des mots qui sont trop directs. Et puis ça change la visibilité aussi des pratiques, parce que justement, tu avais vu, Lynn, des statistiques. Oui, alors en fait, j'ai hésité de le dire parce que j'ai toujours un peu un problème avec les chiffres, parce que donc en tant que féministe, par exemple, quand on discute des droits, par exemple, des personnes LGBTIQ, ce qui peut arriver souvent, c'est que les gens vont nous dire « Ah, mais il y a combien de personnes qui sont lesbiennes dans la société ?» Et puis on se dit « Mais c'est quoi ? C'est pas important de toute façon. » Mais voilà, pour donc aller un peu... Je fais pas vraiment à contre-cœur, mais je tiens juste à dire que je trouve difficile cette question avec les chiffres. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette étude en Suisse romande il y a quelques années qui s'appelle, je cite, « Les lesbiennes en consultation gynécologique, enquête qualitative en Suisse romande » qui a été coordonnée par Sylvie Beyrouth. Sylvie Beyrouth, enfin Sylvane Beyrouth maintenant. Sylvane Beyrouth, excusez-moi. Et qui est... Enfin, une recherche à laquelle d'ailleurs l'association Les Chlamydia a participé. En fait, pas celle-là. Sylvane a travaillé. Je sais pas. Ça dépend de quelle enquête tu parles. Il y en a une en 2012, coordonnée par Profa, Anne Descuves et Sylvane Beyrouth, qui était sur les femmes qui aiment les femmes. Et l'enquête qui est qualitative et dont tu sembles faire référence et qui date en fait de 2016, elle, c'est une enquête qualitative et du coup, on n'y a pas participé en tant qu'association puisque la personne qui a fait l'enquête est directement allée auprès des gynécologues et a ensuite fait son travail de mémoire et de rapport... comment dire, suite aux entretiens, quoi. Ouais, alors moi, là, je parle du deuxième, en effet, okay. Du deuxième du 2016, alors donc vous n'avez pas participé à celui-là. Mais dans l'introduction de cette étude qui est disponible en ligne, oui. On lit qu'il est estimé qu'au moins, au moins 1% des femmes se définissent comme lesbiennes et qu'entre 3 et 6% des femmes ont eu une partenaire féminine. Donc en Suisse, cela représente au moins 30 000 femmes qui se définissent comme lesbiennes et entre 100 000 et 200 000 femmes ayant eu du sexe avec des femmes, donc FSF. Et voilà, cette catégorie FSF, ça permet de montrer, enfin, créer un étendu des personnes concernées. Complètement. Aussi pour répondre à la question donc, de FSF, pourquoi femmes qui ont du sexe avec les femmes et pas lesbiennes, il y a aussi autre chose. Que j'aimerais rajouter, c'est qu'on a choisi le terme de femme parce que c'est celui qui, pour des raisons de facilité, est le terme le plus répandu. Mais notre propos au Chlamydia s'adresse à toute personne intéressée, indépendamment de son identité de genre, de son orientation sexuelle, de l'aspect de ses organes génitaux ou des termes qu'elle ou il utilise pour se définir. Donc on veut vraiment avoir une approche la plus inclusive possible. Après, on dit FSF parce que ça va plus vite. Et puis, je trouvais aussi passionnant comme la lecture de vos prospectus, c'est aussi s'enrichir justement de nouveaux vocabulaires. Alors là, on parle de cette expression FSF, mais c'est aussi des appellations très précises de pratique, que ce soit... Voilà, oui, j'étais sensible à cet apprentissage lexical qui entoure votre démarche. Tu parles par exemple du ciseau ou alors moi c'était le alors dans ma naïveté tu vois par exemple le tribadisme, je pensais que c'était le terme historique pour parler des relations homosexuelles, et puis j'ai appris que c'était attribué à une pratique de frottement des corps précise. Par exemple, la digue dentaire. Oui. Tu vois ? Oui, ça... complètement. Oui, oui. En fait, je pense qu'on réalise plus tellement combien c'est un vocabulaire spécifique, puisqu'on parle de digue comme de fourchette. Mais c'est vrai que ça, la première fois, ça peut complètement détonner et surprendre. Est-ce que juste pour les auditrices et auditeurs, vous serez d'accord de définir digue dentaire ? Oh là là, attention, je vais mettre toute la fédération des dentistes ados. Alors, la digue dentaire, en fait, c'est un carré de latex ou de polyuréthane, ça dépend de la matière qui est prise pour la fabriquer, et qui sert en fait à se protéger lors des rapports buccaux, ou on appelle oraux. Donc c'est en fait tout ce qui est cunnilingus ou anulingus. On peut aussi utiliser la digue dentaire si elle est assez grande, et là on peut après discuter des types de matériaux qu'on peut utiliser pour en fabriquer une, pour justement le tribadisme, pour des frottements de corps ou pour des ciseaux, pour protéger les deux vulves au moment où elles se touchent. Parce que justement, on pourrait remonter un peu plus large. Est-ce que de nous raconter justement quels sont les objectifs de l'association et finalement pourquoi, question de nous vous présenter comme naïve, mais pourquoi avoir besoin de développer un discours qui soit spécifique aux femmes qui pratiquent du sexe avec d'autres femmes ? D'accord. Alors, vaste question. Là, j'aimerais juste préciser à propos de la digue dentaire qu'elle s'appelle digue dentaire parce que quand on va chez le dentiste et qu'on se fait soigner, selon le type de soins que le dentiste ou la dentiste pratique, il ou elle peut mettre une digue dentaire devant notre bouche pour créer une sorte de petit bloc opératoire pour pouvoir soigner dans des bonnes conditions d'hygiène. Donc c'est de là que ça vient. Et c'est ce carré-là qui a été repris et puis dont le format a été adapté pour pouvoir avoir pour avoir une protection lors des rapports sexuels. C'est-à-dire que si on prend une vraie digue dentaire de dentiste pour se protéger, ça va pas être très drôle parce qu'elle est très épaisse et puis il va falloir mordre pour avoir des sensations, et puis en plus elle est carrée, ce qui est pas forcément super pratique vu l'anatomie. Donc du coup on conseille peu la vraie digue dentaire, on conseille vraiment des digues dentaires qui sont conçues pour se protéger. Après, les buts de l'association, c'est de faire passer le discours de... Enfin, pas un discours de prévention, mais c'est de chercher le dialogue, en fait, sur le discours de prévention auprès des FSF et auprès des professionnels qui les accueillent. C'est-à-dire d'avoir conscience du fait que deux femmes entre elles peuvent se passer des IST, ce qui n'est pas toujours acquis d'avance. D'avoir conscience que certaines IST sont plus répandues que d'autres entre femmes, et puis d'avoir un discours, enfin pas un discours, de proposer un discours de réduction des risques pour les femmes qui souhaitent se protéger, et puis de faire la distinction entre des IST graves et des IST qui sont moins graves, de façon à ce que les FSF entre elles puissent éviter VIH et hépatite, parce que ce sont des IST considérées comme graves, mais que si elles ne souhaitent pas se protéger, puisque la plupart ne le font pas, qu'elles soient attentives aux symptômes qu'elles puissent avoir, et puis qu'elles soient sensibles au fait qu'il y ait des dépistages qui peuvent être faits pour justement être à peu près tranquilles du point de vue de la santé sexuelle. Et puis, un autre début aussi, c'est que les FSF aillent... J'aime pas le dire comme ça, mais c'est de sensibiliser au fait que le suivi gynécologique les concerne également. Et que c'est pas parce qu'on parle pas de contraception, de suivi de grossesse... qu'elles sont exclues de ce suivi, en fait. Parce qu'il y a des études qui ont montré que cette population féminine allait moins consulter que les autres. C'est ce que montrent les études nord-américaines dont on dispose. On a des études francophones aussi. Sur Seul Suisse, il y en a une qui a été faite justement en 2012 par la même personne dont j'ai parlé tout à l'heure, en référence à ta question, Lynn. Et donc, qui était avec un échantillon de 356 personnes, si mon souvenir est bon. Et qui montrent... Sur cette population-là, on ne voyait pas forcément qu'il y avait un manque vis-à-vis du gynéco, mais par contre, sur d'autres études plus plus vieille, on voyait qu'il y avait quand même peut-être une lacune. Et moi, je l'ai remarqué quand je suis intervenue auprès de personnes qui étaient plus âgées, que le suivi gynéco, c'était un petit peu difficile d'en parler, que ces personnes-là avaient du mal à aller chez le gynéco, qu'elles avaient peur d'être mal reçues, que c'était une partie de leur anatomie qu'elles n'avaient pas forcément envie d'exposer. Enfin, ce qui peut être compris, c'est ce qui peut se comprendre. Hein. Pour les autres femmes, ce n'est pas forcément un moment facile non plus. Mais chez ces personnes-là, il y avait une barrière supplémentaire. Et moi, ça m'inquiétait d'autant plus parce que c'était des personnes qui étaient en âge, proportionnellement, d'être plus concernées par des cancers féminins. Et je me disais, si ces personnes-là ne vont pas faire un suivi gynéco régulier, bah peut-être qu'on va dépister des choses chez elles au moment où ce sera malheureusement déjà assez avancé. Et donc, les chances de guérison seront amoindries, en fait. Donc c'est par une crainte de réaction de type homophobe que ces femmes n'allaient pas consulter. Oui, en fait, souvent quand les femmes qui ont du sexe avec les femmes vont chez le gynécologue pour la première fois ou bien qu'elles changent de gynécologue, les questions sont orientées hétérosexuelles, sans même se poser la question si les relations sexuelles vont dans ce sens ou non, ce qui fait que ça peut créer quelquefois un malaise ou les mettre dans une situation embarrassante. Oui, complètement. En fait, si le gynéco, dans une perspective complètement hétérocentrée, commence à poser la question, oui, bonjour, alors est-ce que vous êtes sous pilule, enfin, est-ce que vous avez un traitement hormonal ou est-ce que vous avez un moyen de contraception, une FSF, elle va dire assez logiquement non. Bon, il y a des FSF qui prennent la pilule pour des raisons de confort ou pour d'autres raisons, mais en tout cas, ce n'est pas dans des buts de contraception que des FSF prennent la pilule, à moins qu'elles aient des rapports avec des hommes, ça c'est encore aussi une possibilité. Après, la deuxième question, ça va être, vous voulez un enfant? La FSF va dire, non, pas en fait. Et puis après, la troisième question, ça va être, du coup, vous prenez un préservatif, vous prenez un autre moyen de contraception, et puis là, la FSF va se dire, non, toujours pas. Et puis en fait, au bout d'un moment, la personne va être un petit peu coincée parce que cet hétérocentrisme ne lui laisse pas la place de se dévoiler. Et puis, elle va être obligée de faire un coming out, là, comme ça, un petit peu abrupt, à dire « Non, mais attendez, je suis avec une partenaire féminine, donc c'est pour ça qu'en fait, je ne prends pas la contraception et que, en fait, ça va tout à fait avec le fait que je ne veux pas d'enfant à l'heure actuelle. » Et ça, ce n'est pas toujours évident. Et il y a certaines femmes qui ne vont pas forcément arriver à pouvoir le dire à ce moment-là, qui vont pas, en tout cas, ce n'est pas le questionnaire qui est en train de se dérouler qui va les mettre à l'aise. Et puis, qui vont se dire, bon, alors, c'est quel mensonge raconte? Est-ce que je dis que finalement, oui, je suis avec un homme? Est-ce que je dis que je suis célibataire? Et ça va forcément induire un biais sur le suivi possible et sur l'anamnèse que le gynécologue va rapporter dans ses notes ou va faire. Et c'est justement pour ça qu'on a créé un mémo gynéco. Je crois que tu l'as là. C'est justement pour que les gynécos sachent comment recevoir les femmes qui ont du sexe avec les femmes, parce que lors de leur cursus de médecine, ils n'ont pas forcément l'occasion d'appréhender ce public-là, ou en tout cas, ils n'ont pas l'occasion d'avoir des enseignements sur ce public-là et sur ses spécificités. Et c'est pour justement leur dire, peut-être si vous avez une façon d'interroger, pas d'interroger, mais disons de poser les questions qui est plus inclusive vis-à-vis de la personne que vous avez en face de vous. Si vous dites est-ce que vous êtes avec un ou une partenaire déjà d'entrée de jeu, ça va être vachement plus simple pour la FSF de se dévoiler. Et puis elle va aussi être à l'aise, elle va se dire si on me donne cette possibilité-là, c'est qu'il y a peut-être une ouverture. Et donc elle va être aussi plus encline à expliquer, à donner des informations de type personnel. Bon, c'est aussi relevant ce que tu dis dans le sens de c'est préjugés ou ces stéréotypes qui sont à l'œuvre dans les consultations, elles peuvent concerner aussi toutes sortes de femmes qui ont par exemple décidé de ne pas avoir des enfants mais qui sont aussi toujours ramenées à une consultation gynécologique dans ce sens. Oui, c'est ça, parce que c'est aussi quelque part problématique que les consultations gynécologiques aujourd'hui sont très centrées autour de la reproduction hétérosexuelle. Donc c'est pas que hétérocentré, mais c'est aussi le fait que c'est très centré autour de la reproduction. Puis avec Alessandra, j'arrête pas de dire ça, mais c'est vrai, on discutait avant aussi de... Parce qu'on se disait, quand on va chez la gynéco, même si on est hétéro, on discute pas forcément de pratiques sexuelles et de prévention aussi dans cette idée-là. Ça tourne beaucoup autour de quels sont les moyens de contraception que vous utilisez, et puis blablabla. Ouais, enfin, Je pense que pour les femmes qui ont une sexualité hétérosexuelle, c'est pas forcément évident. Puis c'est, je pense, qui a fait naître le projet Adopte une gynéco, un ou une gynéco d'ailleurs. C'était quoi, il y a 2-3 ans que le projet est né. C'est donc une sorte d'annuaire sur Internet où on peut répertorier des gynécos safe, quoi. Ouais, qui sont plus safe, qui vont pas forcément avoir un discours trop normé, qui vont pas forcément réassigner les femmes dans un rôle de reproductrice. Qui ne vont pas forcément les questionner si elles veulent un moyen de contraception plutôt qu'un autre. Et puis du coup, qui fait, c'est aussi un annuaire qui sert pour ceux qui sont friendly vis-à-vis des FSF. C'est-à-dire que des fois, il y a la mention FSF. Il y en a certains d'ailleurs que j'ai mis directement sur cet annuaire pour que les femmes sachent en fait qu'elles peuvent aller chez eux. Après, le problème des gynécos qui sont très très bien, enfin qui sont très très bien, qui permettent de savoir qu'on peut y aller de façon safe, c'est qu'ils sont vite pleins. Et donc du coup, il faut sans arrêt avoir de nouveaux numéros, de nouveaux contacts par bouche à oreille ou par liste pour pouvoir y envoyer des personnes qui ont besoin d'y aller ou qui ont envie d'y aller. Mais justement, je me demandais là concrètement ce mémo, donc à l'attention des gynécologues sur la santé sexuelle des femmes qui aiment les femmes. Après, il y a un travail de démarchage pour aller rencontrer ces praticiennes et ces praticiens. Qu'est-ce que vous faites une fois qu'il y a ce magnifique produit de communication que tu as réalisé, Charlotte ? Merci. Alors, démarchage, on est en plein dedans. On est en train de l'envoyer à tous les gynécos de Suisse romande. Après, comment dire, c'est encore un questionnement dans un sens parce que j'en ai discuté avec un chargé de projet au groupe Cijeune Châtel. Il m'a dit, par expérience, ça peut quand même finir à la poubelle. Donc, les gynécos reçoivent énormément de publicité, de démarchage. Donc, on ne sait pas trop où il va atterrir notre mémo, mais on a quand même envie d'essayer de l'envoyer pour... en espérant qu'ils ouvrent au moins l'enveloppe et ils se disent tiens, j'ai rien là-dessus, peut-être que je le garde. Et puis après, bon, ils peuvent toujours le mettre dans la salle d'attente. On met aussi le guide du Safe for Sex entre femmes avec. Mais ouais, c'est là où on en est avec le démarchage. Sinon, on a aussi des partenariats avec Profa, donc, qui est le centre de compétences VIH-IST, qui est aussi ce qu'on appelle le planning familial, même si je pense qu'il y a beaucoup de personnes que l'appellation fait complètement hurler. Et des gens, d'ailleurs, à Profa, ils sont aussi conscients du fait que leur intitulé n'est pas toujours optimum. Enfin voilà, après, c'est pas forcément évident de changer de nom. Mais on travaille aussi avec eux pour qu'ils reçoivent mieux les femmes qui ont du sexe avec les femmes. Quand je fais des interventions, surtout à l'étranger, j'essaie toujours de demander s'il y a une personne du planning familial qui peut venir. Comme ça, le pont se fait entre l'association qui nous reçoit et puis le planning familial. Ça, c'est pas mal parce que du coup, après, quand je pars, il y a déjà cette connexion qui est faite et puis cette relation de confiance qui a commencé à se mettre en place. Et puis du coup, après, le planning familial fait en sorte aussi d'avoir une démarche d'ouverture vis-à-vis des femmes concernées. Donc, vous fonctionnez, l'association dans la prévention fonctionne pas mal par le démarchage, par le réseau. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres... Donc là, il y a aussi des brochures comme... d'ailleurs, peut-être qu'on peut demander, est-ce que ces brochures sont disponibles sur Internet auprès de l'association ? Oui, bien sûr, on les envoie. À partir d'un certain nombre, on fait peut-être payer les frais de port parce qu'on n'a pas énormément d'argent, mais c'est tout. Ou l'impression, si vraiment quelqu'un nous en commande 100, là, on fait quand même payer l'impression parce qu'on n'a pas, on a vraiment pas les ressources pour, quoi. Mais oui, puis c'est tout est gratuit sur Internet. Le jeu Less Game qu'on a créé l'an dernier, il est aussi gratuit. On peut télécharger les cartes, les fabriquer soi-même. On peut l'acheter aussi si on veut une jolie version avec un plateau de jeu, avec des cartes pro et tout. C'est aussi possible, mais on ne voulait surtout pas qu'il y ait un frein à l'accès aux informations. Et puis pour répondre à ta question, et c'est peut-être ce que j'aurais pu commencer à dire quand vous avez posé la question des buts, c'est de faire passer l'information donc auprès des FSF, auprès des professionnels. Donc ça passe par j'ai des notes sous les yeux, par des animations, des interventions. Je fais pas mal d'ateliers. Ça peut être tant auprès d'associations, de groupes de travail, de collectifs, de personnes, de collectifs autogérés aussi, de groupes de personnes intéressées. Dans les cadres, tout est possible, quoi. Soirée, colloque, festival, université d'été, séminaire, ça dépend vraiment de ce que les personnes veulent au bout de la demande, quoi. Et puis si on a le temps, moi j'aime bien, surtout s'il y a personne qui a été là pour faire ça, ouvrir une parenthèse, de donner des compléments sur la prise en compte des enjeux en santé sexuelle pour les personnes trans. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait aussi un guide du Safer Sex pour les personnes trans en collaboration avec le Checkpoint l'an dernier. Et puis sinon, pour faire passer la parole aux pour chercher le dialogue plutôt avec les acteurs de la prévention et professionnels de la santé. Donc on collabore avec les structures qui les accueillent. Et puis ça peut vraiment être tant. Enfin, là, dans pas très longtemps, je vais rencontrer une sexologue qui est dans un cabinet où il y a aussi des thérapeutes pour couple. Le but, c'est vraiment de chercher les dialogues avec toutes les personnes qui peuvent être en interaction avec avec les FSF. Et puis, aussi, non, de former des personnes relais. Dans pas très longtemps, je vais. Là encore aussi, faire de la prévention pour des personnes qui font de la prévention par les pairs en milieu festif. Mmh. Et le but, là encore, c'est que ces personnes-là soient au courant de la spécificité des FSF. Ouais. Là, justement, j'interviens parce que j'ai écouté une émission radio parisienne ce matin qui s'appelle Gouinement lundi. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, génial. Ok, bon, on mettra en lien dans et le après, poste. Et après, tu me demandes si on a un problème avec les chlamydia. Bon, ok. Et on mettra en lien sur le poste pod. Et où, en fait, dans un des épisodes, elle discute de sexe party entre femmes. Et il y a notamment une des intervenantes qui est une militante féministe. Et qui s'appelle Gabrielle et qui intervient dans les sex parties pour faire de la prévention sexuelle. Gabrielle, elle raconte qu'elle réfléchit beaucoup à l'emplacement du stand de prévention oui. dans les soirées. Donc, est-ce qu'on le place à un endroit où il y a beaucoup de passages dans le but de toucher un maximum de personnes ou est-ce qu'on se place dans un lieu plus reculé pour avoir des discussions plus confidentielles avec des personnes qui viennent peut-être avec des questions? Et moi, ça m'a fait penser comment est-ce qu'on aborde la prévention sexuelle dans l'espace public dans quels espaces, en fait, est-ce qu'on parle de sexe et comment? Ouais. Wow, c'est une très bonne question en fait. Et c'est une question que je me suis posée plusieurs fois quand on a fait des stands de prévention, parce que c'est vrai que c'est bien d'être visible. Pour l'anonymat, c'est pas forcément top. Après, ce que j'ai remarqué, surtout quand je fais des ateliers, alors l'atelier c'est quelque chose de public, ça peut être dans une association ou dans un lieu public, tout dépend. Tout le monde peut venir, donc du coup, généralement, c'est pas très confidentiel ce qui s'y passe. Mais par contre, si une personne a une question confidentielle, je suis assez sûre qu'elle me trouvera à la fin de l'intervention. Ça sera au moment où je vais dehors parce que j'ai besoin d'air ou quoi, je me sentirai suivie et je serai là. Ah, c'est peut-être pour une demande qui est beaucoup plus personnelle et dans ce cas, ça peut se faire à ce moment-là. Sinon, on donne toujours la carte de visite et puis si les personnes ont des questions, on fait de la prévention par mail. En 72 heures, à peu près, on répond. Et puis, ça me permet aussi de présenter un peu plus les gens qui sont dans l'association. Donc, il y a Charlotte qui est la graphiste. Il y a Anne-Sophie qui est sage-femme. Il y a Damien qui est gynéco. Il y a Seb qui, lui, fait pas mal de relectures, mais qui fait aussi pas mal du conseil aussi quand j'ai des questions sur des orientations un peu plus stratégiques. C'est avec lui, j'en discute surtout, avec Charlotte aussi. Et puis sinon, il y a Zazou et Véro qui mettent dans la compta parce que je suis nulle. et puis qui font des relectures aussi. Enfin, ça paraît très très bête ces histoires de relectures, mais quand on fait un jeu avec 8 ans de 4 cartes, c'est super cool d'avoir quelqu'un qui peut, ou même plusieurs personnes qui peuvent relire. Et toutes ces personnes sont complètement bénévoles comme nous, quoi, comme Charlotte et moi. Bah, maintenant, je pense que vraiment, il est temps que Charlotte, tu nous parles de ce les game. Parce que vous avez aussi toute une approche, comme on va dire, ludique. De la sexualité et de cette prévention. Et là, c'est un des exemples. Oui, complètement. Alors, ce jeu, en fait, il a été créé par Camille pour, en fait, donner envie aux gens de parler de sexualité entre eux, puis de se sentir bien avec leur corps, de ne pas avoir de tabou sur certaines questions. Puis c'est surtout un prétexte pour aborder certains sujets qu'on n'aborderait pas naturellement. Et en fait, ce qu'on a remarqué quand les gens jouent pour la première fois au jeu, c'est que ça prend que quelques secondes avant, je dirais, allez, ouais, un peu plus, peut-être 5 minutes pour se mettre vraiment dedans. Et qu'après, les gens sont vraiment à fond dans le jeu et ont envie de gagner, et ont envie vraiment de connaître les réponses avant les autres. Et ça démarre vraiment très, très vite, quoi. Et c'était un grand plaisir de voir que voilà, qu'une fois que le jeu a été mis en place, les personnes se l'approprient très facilement. Et ça, je trouve aussi, le jeu, ça répond aussi à cette question de comment développer une prévention sexuelle différente et qui ne soit pas anxiogène, mais qui se fasse en groupe, mais aussi de manière ludique. Ouais, c'était le but en fait. Il y a un petit gant en vinyle qui a volé, je tiens à le préciser. C'est des choses qui arrivent avec Les Gays, mais ça va quand même tout à fait bien. Du coup, là, Charlotte est en train de déballer les pots de pâte à modeler, les cartes, le sablier, les pions. aider. En fait, le but, c'était d'avoir une approche accessible et ludique, et puis de parler de sexualité, de sentiments, d'émotions, d'aller bien au-delà des pratiques sexuelles, finalement. Et puis, au bout de quelques années de prévention, je me suis dit, bon, c'est cool d'avoir fait des guides, les gens les aiment beaucoup, ils ont du succès, c'est chouette. Mais les guides, ça reste quand même quelque chose d'un peu rébarbatif. Comment on pourrait rendre ces guides un peu sexy? Je me suis dit, un jeu, ça peut être cool d'avoir des informations qu'on doit chercher dans des guides. Bien sûr, il faudra d'autres activités, mais ça, ça pourrait être déjà une des activités de prévention possibles. Et sinon, bah, y a plein de cartes différentes qui correspondent à des activités différentes. C'est un peu comme un jeu de loi dans lequel s'affrontent deux équipes. Et puis, comme tout jeu de loi, bah, y a des pièges, c'est les cartes clams, et puis ça peut faire avancer ou reculer l'équipe selon ce sur quoi on tombe. Et puis dans les activités, je pense que tout le monde connaît un peu le jeu tabou, où on doit dire, faire deviner un mot sans dire les autres. Et puis là, bah, vous pourriez peut-être essayer en fait. Alessandra, on peut essayer, on va voir si on arrive à rendre ça de manière radiophonique ou podcasteuse. Donc en fait, tu vas me poser une question ou comment on va faire? Je veux une autre carte. Non, mais parce que c'est trop hard pour commencer. Tu dois deviner un mot. Non, mais okay. Celui-là, c'est trop pour moi. C'est vrai? C'était... Ah, ça c'est pour toi. Ok, c'est parti. Alessandra, c'est une montagne qui fait partie de ton sujet de thèse. Bah, ça doit être le clitoris. Oui, oui, oui, parce que en fait, moi, c'est aussi comme ça que je vous ai rencontrés, parce que c'est vrai que j'ai fait mon sujet de mémoire en fait sur la méconnaissance du clitoris dans ses dimensions internes, et puis j'ai vu que c'était aussi un sujet sur lequel vous étiez présente. Oui, oui, oui, complètement. En fait, le dimanche matin, si on n'a rien à faire, on modèle les clitoris en pâte fimo, puis on les fait cuire et puis on les... Oui, après le brunch du matin. Ouais, c'est mieux. C'est mieux après. Oui, c'est quand même toujours mieux après le brunch. Enfin, pour modeler un clitoris, mieux vaut avoir le ventre plein. Et donc, et puis après, on les fait cuire et puis on peut les donner après en soirée. C'est assez cool. Ça donne des porte-clés intéressants. Oui, le but était en fait de montrer l'anatomie féminine et puis de sensibiliser justement à des parties qu'on ne voit pas forcément. Donc il y a la partie tabou, on peut faire deviner le mot clitoris, mais il y a aussi des fiches actions où on peut modeler un spéculum. C'était drôle, on a joué avec un garçon hétéro et il a dit « Alors, modèle un spéculum ». Et puis après, il a fait « Mais c'est quoi ce truc ?» Oui. Et puis c'était chouette parce que la pâte à modeler n'était pas tout à fait comme l'exemplaire à la fin. Et enfin, c'est là qu'on s'est dit « On va mettre une illustration ». Puis on peut donc modeler le clitoris, les organes internes. Après, il y a des boules de geisha aussi, je veux dire... En fait, le but est de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire le côté super ludique et puis on déconne complètement. Et d'un autre côté, des vraies informations qui sont de type éducatif. Mais c'est ça, moi j'ai un terme qui me revient beaucoup au fur et à mesure de vos paroles, c'est le terme d'expertise. Enfin, c'est vraiment de rendre les personnes expertes de leur santé, parce que tu as dit dès le début le fait de pouvoir identifier des symptômes de problèmes, mais aussi, bah voilà, ça c'est connaître son anatomie plus précisément. Le spéculum, c'était un grand objet politique féministe depuis longtemps, qui véhicule toute cette dimension de savoir. De se réappropriation du savoir. Ouais. Donc c'est quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez? Mais complètement. Ouais, on se situe complètement dans cette perspective. Tu n'es pas du tout tombé à côté. Au contraire. Le but, c'est la réappropriation. Le but, c'est l'augmentation de l'autonomie. Le but, c'est d'avoir des informations à disposition et d'en faire après ce qu'on souhaite en faire. Mais d'avoir aussi des informations qui soient assez pragmatiques pour qu'elles soient mises en œuvre. C'est-à-dire que mon rêve, c'est pas que toutes les femmes utilisent la digue, quoi. Enfin, en plus, comme tout moyen de protection, ça peut être une barrière au plaisir, et puis c'est pas forcément facile de proposer une digue à une fille d'un soir, mais c'est plus de se dire faites attention à la présence de sang, parce que ça peut être une porte d'entrée pour quelque chose de vraiment sérieux, d'une ST qui peut être potentiellement vraiment grave. Et mais justement, je trouve aussi, quand on forme les gens, quand on donne l'accès au savoir, je veux dire, de faire des choix par rapport à sa santé et aux risques qu'on prend ou pas. Quand on prend ses choix en conscience des risques et en avec le savoir, quoi, c'est quand même mieux que quand on est complètement fly et qu'on ne sait pas du tout ce qu'on risque, qu'on ne sait pas. Ou alors qu'on a un discours en tête qu'on n'arrive pas du tout à s'approprier parce qu'il est beaucoup trop contraint. Aussi, ouais. Parce que si on commence à dire ouais, mettez des gants, prenez la digue, faites attention, bon, déjà c'est pas un discours très sex positif, et puis c'est plutôt là-dedans qu'on se situe, et puis surtout ça va pas marcher. Enfin, ça sert à rien, ça. Je veux dire, c'est pas la peine qu'on passe du temps à véhiculer un discours qui soit de toute façon qui sera pas accepté à la fin, quoi. C'est aussi pour ça qu'on a vraiment commencé directement dès qu'on a eu... on a discuté avec le gynéco pour avoir une intervention de base, qui était à l'époque pas un atelier. Puis on a directement été voir les gens, puis voir si le discours passait ou pas. Et puis on l'a réajusté à chaque fois par rapport à ce qui se faisait dans la réalité pour que pour elles, ce soit entendable et que pour nous, on soit aussi en accord avec, quoi. Parce que je me demandais aussi si... donc c'est parti ton propre parcours de cette invisibilité des questions... de pratiques homosexuelles féminines. Est-ce que aussi le fait d'être active dans le thème de la santé sexuelle, c'est aussi une manière de rééquilibrer cette visibilité féminine ? Parce qu'il me semble que dans beaucoup de domaines, sur toutes sortes de prévention, de discussions, de réflexions sur les questions homosexuelles, c'est un peu tout le temps pas tout le temps, je ne vais pas généraliser comme ça, mais c'est beaucoup la figure masculine qui est mobilisée. Sûr. Oui, beaucoup plus les HSH. Après, voilà, il y a toute l'histoire du VIH, ça se comprend. Il y a vraiment des raisons qui sont compréhensibles. Simplement maintenant, ce qui est plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas de rattrapage qui se fait au niveau des femmes. Et alors que maintenant, on a quand même beaucoup plus un discours sur les IST, on n'a quand même toujours pas d'enquête suisse vraiment représentative avec un échantillon vraiment pertinent qui permette justement de quantifier, de voir quels IST se passent, en quelles proportions. Et ça, je trouve quand même très dommage. Après, on a de l'autre côté de la frontière, on a des données d'Amérique du Nord aussi. Mais moi, je trouve que ça manque quand même encore dans la perspective suisse. Et puis, je ne parle pas suisse romande, je parle suisse en entier aussi, quoi. Le but était justement de réinvestir un champ qui était... d'investir un champ qui était peu exploité et d'augmenter la visibilité pour qu'on ait beaucoup plus conscience, en fait, de ce public-là. Oui, Charlotte ? Oui, en fait, on voulait augmenter la visibilité, mais donner un message qui soit qualitatif... Un message qui soit qualitatif dans son contenu, mais aussi dans son image. C'est-à-dire que ce soit un design qui soit soigné et qui donne envie d'être regardé parce qu'il est ludique, mais parce qu'aussi il est pas, il correspond pas à une sorte de femme. C'est quelque chose qu'on peut voir au milieu d'un tas d'autres documents pour sa qualité globale. Oui, parce qu'il n'y a vraiment pas du tout un code visuel jolie fille rose. Hein oui, c'est ça dont on nous bassine. Bah alors ça, certainement pas. Et là, il y a vraiment des codes couleurs, un code graphique qui est porteur d'un tout autre message. C'est ça, c'est d'essayer d'être ludique et qualitatif en même temps. Et inclusif aussi. Et puis, si on... Voilà, ça fait 10 ans hein, que tu nous dis que tu as démarré ton association, votre association. Quel regard en arrière ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans ? Comment les choses bougent ? Moi, je m'étais dit quand j'ai commencé qu'au bout d'un moment, ça deviendrait inutile parce qu'on serait intégré dans un programme national, parce qu'il y aurait une visibilité dans la rue. C'est-à-dire qu'on verra des visuels avec deux femmes en expliquant que on peut faire un dépistage, il y a des IST qui se passent, qu'un suivi gynécologique est recommandé. Et je vois 10 ans après que notre discours est tout autant pertinent et nécessaire. Et donc du coup, je me dis que on va continuer parce qu'il y a un besoin dans ce domaine-là, parce qu'il faut continuer à assurer cette visibilité aussi, quoi. Peu relayé, tu veux dire qu'il n'a pas justement, ce discours n'a pas été repris par des questions de santé publique au niveau national ou comme ça. Alors après, je veux pas... J'aimerais quand même souligner le fait que l'OFSP nous inclut aussi dans les discussions. Quand le Safer Sex Check, qui a été lancé il y a quelques mois, en fin octobre, a été élaboré, on a aussi été intégré. C'est quoi ça, juste ? Alors, c'est en fait un questionnaire en ligne qui permet de voir si on a pris des risques. On doit répondre sur les organes génitaux qu'on a, les organes génitaux des partenaires qu'on a, quel type de pratique sexuelle, est-ce qu'on a recours à du sexe tarifé, est-ce qu'on a des pratiques... considérés comme hard, comme par exemple le fisting. Et en fonction du résultat du questionnaire, il y a en fait des indications à la fin, textuelles surtout, qui permettent de dire, vous pouvez aller chez le gynécologue, il y a des dépistages pour ça, il y a des vaccins pour ça. Après, c'est un discours très allopathique, évidemment. Ce que je reproche un peu à la campagne, c'est d'avoir mis des tas de visuels avec des hommes, des femmes, des hommes, des hommes dans la rue, mais ils n'ont pas du tout regardé des femmes avec... des femmes avec des femmes, ils n'ont pas fait de visuel pour ça, quoi. Et puis ça, c'est un peu dommage, parce que du coup, les femmes qui sont concernées, elles passent devant les affiches et se disent « Oh, c'est pas pour moi ». Alors que c'est bête, parce que le Safer Sex Check a aussi été élaboré pour elles. Alors après, on peut toujours trouver des limites à l'instrument. En attendant, il est là, il a coûté beaucoup d'argent, ça aurait été chouette de faire un visuel féminin, quoi. Mais par exemple, j'ai vu que c'était seulement en 2014 que la campagne Love... Check Your Love Life. Ouais, et a intégré justement des représentations visuelles entre deux femmes. Ouais, et puis avec une énorme capote, ça. Entre voilà, les deux. Voilà. Et puis ça, du coup, enfin, parce que le visuel, ok. Deux femmes blanches, ok. Mmh. D'un certain âge, ok. Super, merci. Voilà, c'est dommage. On aurait pu avoir plus d'inclusivité. On aurait pu passer des messages un petit peu plus larges. D'accord. Bon, il y a deux femmes. On va déjà s'en réjouir. Et puis après, on voit une énorme capote. Et puis moi, je me dis, c'est super parce que c'est le premier moyen de protection entre deux femmes, quoi, la capote. Évidemment. Surtout la capote masculine qui, si on la coupe pour faire une digue dentaire, elle sera trop petite. Donc du coup, voilà, quand on a demandé pourquoi il y avait une capote, on s'est entendu dire oui, c'est parce que des fois, les femmes qui ont du sexe avec les femmes ont du sexe avec les hommes. On était là, et c'est parti, on est de nouveau invisibilisés, waouh. Oui, ou alors un objet de désir masculin. Voilà, ça, objet de désir masculin. De fantasme masculin. Ouais. Oui, bon, je ne veux pas m'attarder encore sur le visuel pour l'objet de désir masculin, mais on y est quand même aussi. Et donc du coup, j'étais là, mais mettez une digue, quoi. Enfin, mettez une digue. Après, le but, c'est pas que tout le monde s'en serve, c'est de provoquer le débat et puis d'expliquer en quoi elle peut être utile, cette fameuse mais mettez pas un énorme préservatif masculin, éventuellement un fémidon, j'aurais pu mieux comprendre parce que je me serais dit au moins le fémidon une fois coupé il a une protection un peu plus grande que le préservatif masculin. Et puis là on arrive gentiment au bout de notre rencontre et puis on se demandait avec Lynn un peu justement après ces premiers 10 ans de pratique, quels sont le jeu, il est sorti l'an dernier, donc ça je pense c'était un gros dossier. Oh, c'est hein, Charlotte. Ouais, ça c'est sûr, on a vraiment passé beaucoup d'heures dessus aussi pour faire les illustrations et puis le travail avec les fournisseurs, parce qu'on a une dizaine de fournisseurs pour élaborer le jeu, hein. Et puis c'était effectivement pas mal de travail pour tout le monde. Et on était bien contente d'avoir quelques jours de vacances après. Ouais, Les Game, ouais, je me rappelle, parce qu'en fait, on trouvait qu'on n'avait pas assez de travail à ce moment-là. Donc, en plus du suivi fournisseur, on a fini le guide trans, on a fait le guide pour les sex toys, pour l'entretien des sex toys, on l'a complètement révisé. Ça donnait du job, on a refait notre site internet, et je crois qu'il y avait encore une vidéo pour Les Game, pour montrer comment le jeu fonctionnait. Donc, on arrivait au mois de juin, c'était juste plus possible de bosser, quoi. Et à chaque fois, vous obtenez des fonds pour ces projets-là. Vous êtes quand même soutenu à ce niveau-là. Alors, pour Les Game, il n'était pas question de faire travailler Charlotte bénévolement parce qu'elle est indépendante pour Charlotte Design. Donc, en fait, je me suis lancée dans une recherche de fonds quelques mois avant de commencer. Et donc, ça me permet de remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus, à savoir la Loterie Romande, la Ville de Genève, la Fondation Émilie Gour, l'association L'Estime, l'association Voguet, Santé Sexuelle Suisse, l'association Lilith, plus 30 personnes bénévoles, dont certaines qui, vu qu'on a fait une journée de tournage pour avoir la vidéo, elles ont aussi dû vraiment passer du temps. Il y a des gens qui ont passé des heures à faire des relectures, il y a des gens qui se sont amusés à regarder si la règle du jeu fonctionnait. Donc là, j'ai des amis ingénieurs qui ont regardé, genre, mode d'emploi, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. C'était vraiment très, très précieux. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de remercier toutes ces personnes-là. Puis alors, Charlotte n'a pas compté ses heures sur le projet. Moi non plus, ça a été vraiment énormément de travail. Mais ouais, on est contente du résultat quand même. Ravi. Et est-ce que quels sont les projets à venir ? Le projet à venir, renforcer les collaborations existantes, ça c'est quelque chose, c'est-à-dire que tout ce qui est courant normal, ça continuer à former les futurs éducateurs en travail social, les futurs travailleurs sociaux, travailleuses sociales comme on le fait, ça c'est encore. C'est quelque chose qu'on appelle le courant normal, ça va continuer. Et puis, continuer à élaborer le site internet, il y a quand même pas mal de référencements et je teste pas mal les ressources qui sont dessus. Enfin, je le dis pour les personnes qui ont envie de regarder sur notre site, on essaie vraiment de checker quand on, par exemple, on donne l'adresse d'une travailleuse du sexe qui est d'accord pour avoir du sexe tarifé avec des femmes. On a pris contact avec cette personne, c'est pas on nous a filé un vieux numéro puis on sait pas d'où ça sort, quoi. Donc, on continue à faire ce travail de suivi, je pense que c'est important. Et puis, s'il y a des personnes qui veulent découvrir cette vidéo qu'on a faite sur le safer sex entre femmes et la digue dentaire en 2012, allez-y, parce que ça permet de voir en fait combien c'est difficile de trouver une digue dentaire et les limites en fait de l'instrument de prévention et puis d'entendre la proposition de réduction des risques qu'on fait en fait à la fin. C'est une vidéo qui a pas mal marché, puis je pense qu'elle tombe un peu dans l'oubli parce que le temps passe. On mettra en lien on mettra le site en lien sur notre post pod. On clôt. Bonjour. Allez-y. Ça va pas s'entendre. Tu t'as dit, il faut pas parler au micro. Il faut parler au micro, Alessandra. Mais c'est parce que tu le lâches pas. J'ai dit, on joue. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir merci à vous d'avoir partagé votre temps. Merci à vous d'être venus. Ouais, merci beaucoup. Et nous, on revient dans 3 semaines avec un nouvel épisode. D'ici là, joyeuse suite. Tchuss. Tchuss. Tchuss. Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour prolonger la réflexion sur les thèmes abordés, vous pouvez vous balader dans le post-pod sur le site crépidule.com. Vous y retrouverez également nos autres épisodes à écouter, aussi sur iTunes. Chères auditrices et auditeurs, l'excellent podcast Crépidule se fait à la sueur de nos fronts, mais aussi grâce aux contributions de vous qui nous écoutez. Pour soutenir Crépidule, rendez-vous sur notre site crépidule.com et cliquez sur l'onglet « Soutenir » pour plus d'informations. Merci!